mettre ma casse-tête. Monte un peu le chauffage, il fait frais. On est un peu loin du 37. Prochain team, je veux pas de breuvage, faut pas que tu t'inquiètes. En pleine nuit sur la prod, décidé par des milliers. Toi fais pas ton mal commode, aujourd'hui plus personne lié. Ici ça grouille d'électrodes, court-circuit sur ton marlé. Tu parti comme des antipodes, direction le Grand Valier. Accroché à vie comme une balle à soir. Non, je veux pas les entendre, grosse histoire de broyeur. Combien de fois va falloir, je voudrais percer voir que je ne suis pas rien qu'un fucking accotoir. La boucane que je respire me fait toujours me conduire. Je suis prêt à réécrire sur tous ces gens qui me trahir. Personne ne peut me nuire quand je suis une machine. Je veux être fameux avant de fuir dernier trip de codéine. Yo, yeah, yo. Still.